Mabunda mago pindi magen jambi jambiye. Mabunda mago pindi magen jambi jambiye. Mabunda mago pindi mi mapepa. Magen zambe magen jambi jambiye. Mabunda mago pindi mi mapepa. Magen zambe magen jambi jambiye. Mabunda mago pindi mi mapepa. Mabunda mago pindi. Mabunda mago pindi benjambi, mabunda mago pindi magenjambi benjambi ye. Mabunda mago pindi mi mapepa. Magenjambe, magenjambi benjambi ye, mabunda mago pindi mi mapepa. Magenjambe, magenjambi benjambi ye, mabunda mago pindi mi mapepa. Ipendai. Ipenda unyimani mani eguda utombono zati monyenge ipenda ipenda unyimani mani eguda utombono zati monyenge ipenda ipenda unyimani mani eguda utombono zati monyenge yao. Ependa, unyimani mani eguda, utombono zati monyengei. Ependa, unyimani mani eguda, utombono zati monyengei. Ependa, unyimani mani eguda, utombono zati monyengei. Tatanzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mukadikadie. Mobongo angadie mukadatanzambe. Mobongo angadie mukadikadie. Mobongo angadie mukadatanzambe genwe. Mobongo angadie mukadatanzambe. Nzambe, nzambe, mobongo angadie mukadatanzambe. Hey, go ahead. Soyez tous salués. Bonsoir à tout le monde. Bonjour à ceux qui sont avec moi ici aux États-Unis, parce que ici, il est 11h. Il est 11h23 ou 30, c'est plus trop. Onze heures trente-trois du matin. 15h et quelques ou 16h pour ceux qui sont en Afrique. 16 ou 17 heures pour ceux qui sont en France. Je sais que beaucoup sont encore au travail. Pardonnez-moi. Mais le sujet que je vais aborder avec vous est d'une importance telle que je veux essayer d'amener les sapeurs-pompiers à aller éteindre le feu qu'il y a déjà dans certains foyers à cause de cette affaire-là. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler du danger de certains rites. Tout rite que je mets à la disposition du public, les rites que je mets à votre disposition, la majorité sont des rites de chez nous. Et souvenez-vous que j'ai même décidé d'arrêter de diffuser les rites ici sur Teta Nzambe. Pour la simple raison, pour des raisons de sécurité, et il y a eu aussi un abus, il faut l'avouer. Il y a certains qui ont profité de certains rites, tels que le rite du vin, que certains sont allés vendre. Et vous avez suivi comme moi l'arrière-petit-fils de la lignée royale du roi Makoko a prononcé des paroles de malédiction contre quiconque oserait faire ce genre de choses. Mais avant de rentrer tout droit dans le but du sujet, je vais commencer à vous illustrer un exemple. Cet exemple, je détiens la photo, mais cette photo, elle est dans mes archives à Port-Gentil, au Gabon. C'est une photo triste. La photo, ai-je salué tout le monde une fois de plus? Soyez tous salués. Merci. Merci d'être venus. À la demande de certains, aux préoccupations qui, certains problèmes que certains traversent, il était quand même urgent pour moi de venir vous sensibiliser sur ce. Je vous amène en 1959. Rassurez-vous, je n'étais pas encore né. Mais c'est une photo qui a été prise par un Camerounais en 1959. Ceci se passe à Yaoundé, au Cameroun. Je n'étais pas présent. Mon père était présent. celui qui devint plus tard le rival à mon père, donc papa Jean, un Camerounais, lorsque papa avait des problèmes avec maman, elle s'était retrouvée avec un monsieur, un ami à elle, qui s'appelait papa Jean, d'origine camerounaise. Et c'est justement ce monsieur papa Jean qui, en 1972, nous avait exposé cette photo. Et j'ai gardé cette photo, une photo souvenir, sur le danger de l'abus et le danger de faire trop de demandes à certains génies ou dans certains rites, et parfois des demandes qui ne sont pas assignées à ces génies. Mais rassurez-vous que il y a certains génies qui ne se dérangeraient pas, ou du moins qui ne se seraient pas. Parce que un génie ou encore un ange, appelez-le comme vous voulez, un djinn chez nos frères musulmans, a la capacité d'intervenir dans mille et une tâches. Mais souvent, ce genre de djinn recommande des sacrifices énormes. Bien sûr, je ne vais pas vous le cacher, ça recommande même des sacrifices humains. Ceux qui ont suivi mon enseignement sur comment faire comment fabriquer votre bouité, ça c'est une expression de chez nous au Gabon, mais de manière générale, en bon français métaphysique, on dit comment fabriquer son génie ou bien son esprit familier. Esprit familier veut dire que c'est une entité que vous allez créer vous-même à partir de certains éléments. Je ne vais plus revenir dessus. Revenons sur notre sujet. Une photo donc que j'ai vue, un jeune Camerounais, il portait des verres, un très bel homme. Bon, ici aux États-Unis, quand vous dites à un autre homme qu'il est beau, on va vous dire maintenant que vous êtes pédé. Mais rassurez-vous, je le dis en reconnaissance du fond de mon cœur que ce monsieur était bel et bien un bel homme. Mais qu'arriva-t-il à cet homme en 1959? Si j'ai bonne mémoire, entre 58 et 59. Ce jeune homme avait commandé un article. Les rumeurs circulent que c'était auprès du professeur Nze, John Nze. Ceux qui sont Camerounais de ma génération, ou du moins qui sont plus âgés que moi, ont dû connaître un homme très influent qui faisait de la haute magie au Cameroun. Il s'appelait le professeur John Nze. Mon père me parlera de lui. L'ami de maman, papa Jean, me parlera aussi de lui. Bref, les rumeurs disent que c'est auprès du professeur John Nze qu'il aurait commandé cela, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a commandé un article. Cet article était un parfum. Lequel parfum il devait mettre sur son corps pour devenir un grand homme d'affaires, pour attirer beaucoup de la clientèle. Mais il lui était exigé. Ce que je vous dis là, vous pouvez vérifier auprès des Camerounais. Cette photo existe, hein, jusqu'alors je vous parle. Le jeune homme donc a commencé les rites parce qu'on lui a recommandé un certain nombre de rites qu'il fallait faire afin de permettre les entités derrière ce parfum-là d'agir. Donc, entre autres, on lui a demandé de mettre les gouttes de ce parfum travaillé dans le seau d'eau qu'il devait se baigner chaque soir et chaque matin. Mais, si j'ai bonne mémoire de ce que papa Jean le Camerounais m'avait dit, Bamileke, grand homme d'affaires à Port-Gentil, il était bien connu. Il était parenté à Papa Tarot. Je ne sais pas s'il vit encore. Pour ceux qui sont à Port-Gentil, reconnaissent Papa Tarot au marché du Grand Village. Il y a un monsieur Camerounais qu'on appelait Papa Tarot. Ça, c'était le cousin propre de monsieur Papa Jean, qui était l'amant de maman, parce que papa et maman, ils étaient séparés. Jusqu'à leur mort, ils n'étaient jamais divorcés, malheureusement. Papa était parti au Congo. Bref, ce n'est pas un détail important. Juste pour vous dire que le monsieur dont je vous parle, il était connu à Port-Gentil, Papa Jean. Et c'était le cousin de Papa Taro, le monsieur camerounais, j'oublie son nom, qu'on appelait Papa Taro, lequel est devenu millionnaire au Cameroun avant ces derniers jours. Donc, ce jeune homme-là également, on lui a recommandé qu'il y a un parfum. Lequel parfum, quand vous le mettez au corps, va attirer certaines entités de l'au-delà afin de prospérer dans les affaires. Mais à une condition, il faut mettre un certain nombre de gouttes de parfum dans l'eau. Alors, ça c'est la version qui m'avait été rapportée. Mais il y a une autre version, on nous dira que non, c'est la femme qu'on avait donné le parfum pour que cet homme-là puisse l'aimer à mourir, pour que cet homme-là ne la quitte plus pour le reste de sa vie. Ça, c'est la version que la famille du défunt, ce jeune homme-là. Bon, laquelle version je dois prendre? Je prends la version de la famille. La version, donc, la famille, je sais que ce parfum existe dans le cadre du monde des affaires pour attirer beaucoup d'argent, pour devenir riche, millionnaire. Ce parfum existe. Mais pour le cas d'espèce, je crois que c'était le cas de la femme. Donc, la femme, ce parfum, elle devait le mettre dans le seau. Nous, dans les années 50, vous savez, jusqu'aux années 70, on ne connaissait pas les eaux, l'eau qui sort du mur, hein, comme on le dit chez nous en Afrique. Donc, c'était le seau. Donc, il fallait qu'elle mette ce parfum-là dans le seau d'eau que le mari utilisait. Afin que le mari soit collé avec elle, hein, comme on le dit chez nous en Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passera? Une semaine, elle ne voit aucun résultat. Elle voit que le mari va toujours dehors, le mari va à gauche, à droite. C'est un bel homme, hein, je vous signale. Mais comment? La femme se pose des questions, mais ce n'est pas possible. Elle va contacter donc. Je vous le répète que ça, c'est la version originale que j'ai reçue de la famille de ce monsieur-là. Je ne l'ai pas reçue directement, mais sous couvert de certaines personnes auprès de qui j'ai essayé de mener des enquêtes ou des recherches. Alors, la femme donc est allée revoir la personne qui lui a donné ce fétiche du parfum pour lui dire, mais moi, je constate aucun changement. Mon mari, il est tout pareil, il n'est même pas vraiment comme il faut. Il est tout dehors. Je ne comprends pas. Alors, le monsieur lui dit, bon, écoutez, moi, je vous ai dit que mettez 2 doses du parfum dans l'eau le matin quand il va au travail. Le soir, avant de se coucher, vous mettrez également 2 gouttes du parfum. N'allez pas au-delà, madame. Respectez les consignes. La dame a dit, ok, elle repart. 1 mois, ça passe. Elle constate que juste une petite amélioration, le mari ne vient plus en retard. Ceci se passe en 1959, s'il vous plaît. Vous pouvez faire vos recherches. La photo en question est même considérée comme une photo classique. Donc, la dame, impatiente, après 1 mois, elle dit non, il faut que j'accélère. Elle prendra donc, au lieu de mettre les gouttes, elle va donc prendre tout le parfum, verser le dosage dans le seau d'eau que le mari devait utiliser la nuit. Alors, le monsieur se baigne, le pauvre, il est innocent, il ne sait pas ce qui se passe. Ben, le monsieur, la nuit, constate, se rend compte que le corps est fatigué pendant qu'il est au lit avec sa femme. Chérie, c'est comment? Non, chérie, je ne me sens pas bien. Je suis seulement fatigué. Fatigué, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas. Pourtant, je me suis douché. Tu m'as fait un beau seau, comme d'habitude. Et pourtant, j'ai mangé. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Le matin, ah oh, chérie, comme tu es trop fatigué, c'est la femme. Hein? Comme tu es trop fatigué, il n'y a pas de problème. Va te doucher. Elle est allée finir tout le parfum qu'elle a mis dans le seau. Le monsieur, donc, il se douche. Et voici ce qui se passe. Ça. Ce n'est pas moi qui invente, je le répète, vous pouvez vérifier cette histoire. Auprès des Camerounais, ceux qui sont nés au Cameroun, s'il y a des gens qui me suivent depuis le Cameroun, vous pouvez me le témoigner. Le monsieur, au fur et à mesure, constate que son corps se fatigue et il tomba sur ses pieds. Imaginez-vous la suite. Les gens ont pensé que cette photo-là était un montage. Ce n'était pas un montage. C'est une histoire vraie. Le monsieur se transforma en boa. Quelqu'un me dit quoi là? Merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui me confirme qu'elle a vu cette photo. Le monsieur se transforma en boa au fur et à mesure. Les pieds, le reste du corps, seulement son visage et les lunettes, parce qu'il portait des lunettes, aussi qui s'en souviennent de cette photo-là. Un bel homme, un teint clair. Mm-hmm. Voilà comment le monsieur se transforma en boa. Et il était là, incapable de parler. La femme entend le bruit dans la douche. Quelqu'un qui se débat. Elle arrive, c'est un gros boa qu'elle voit. Mais elle reconnaît le visage de son mari. Et prise de panique, elle crie au secours. Elle pleure. Tous les voisins qui étaient dans la zone de Yaoundé vont se précipiter. Mais, et pris de pitié, ils ne pouvaient pas prendre des machettes pour tuer ce boa. Ils ont donc laissé ce monsieur-là dans cet état. Il y a des gens qui en ont profité de prendre des photos. Ces photos se trouvent même dans certains musées en France. S'il vous plaît, je n'invente rien. C'est une photo. Voilà maman Félix qui vient de me confirmer qu'elle a effectivement vu cette photo. Moi, je l'ai, cette photo originale. Hein? C'est papa Jean Mbamileke qui m'avait montré cette photo. Lui m'avait dit, mon petit, dans le monde de la magie, il y a des choses. Et voilà ce jeune homme. Bon, lui, il m'avait raconté une autre version que non, il avait fait le commerce. Mais quand j'ai mené des enquêtes, je me suis rendu compte que non, c'était un parfum qui consistait à envoûter le mari pour que ce mari-là soit fidèle et ne parte plus à gauche et à droite et reste dans la maison. Mais comme la femme, au lieu de respecter le dosage qui lui avait été recommandé, on lui a dit de mettre deux dosages le matin, deux dosages le soir, jusqu'à ce que tout le flacon-là finisse. Donc, elle devait faire ça pendant au moins 2 mois. Ainsi, ça permettait les génies qui étaient préparés en conséquence pour ce rite spécifique, afin que le monsieur, ça trouble son cœur. L'objectif du rite, c'est de troubler ton mari et de le rendre fidèle à toi pour le reste de ta vie. Mais comme la dame était impatiente du résultat, le mari était tellement beau, un bel homme, elle s'est dit non, je veux me la voir à moi seule. Eh bien, imaginez-vous, elle finit par avoir un boa. Et les parents, ils vivent encore, les descendants de cette famille-là, qui ont parlé de cette histoire auprès de quelqu'un qui est membre sous le Baobab avec moi. Oui, oui, oui, parce que la personne m'avait posé cette question. J'ai dit, oui, je suis au courant, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est là, il me dira que oui, je connais même la famille, je connais même leur quartier. Alors, la famille imposa à cette femme-là que, comme tu as rendu notre fils comme ça, là, oh, on descend au manteau, tu dois le garder. Tu vas le garder pour le reste de ta vie. Ah, merci. Voilà quelqu'un qui nous dit, c'était le mauvais dosage de la femme. Mais cette histoire-là, maman Félix, c'est ça la vraie version. Mauvais dosage qu'elle a mis dans l'eau du mari. Voilà. On a imposé à cette femme-là que tu resteras pour le reste de ta vie avec ce type-là. Elle pleurait maintenant, oh yo, oh yo. Allez blâmer, allez engueuler le pauvre monsieur qui lui a fait le fétiche. Jusqu'à sortir les secrets dehors. Oh, c'est elle. Les parents sont allés faire le bruit au monsieur. Le monsieur lui dit, vous venez ici, là, moi, je veux vous tuer avec mon fusil. Vous êtes fou? Vous êtes fou? Demandez à cette dame ce qu'elle a demandé. Demandez à cette dame-là. Demandez-lui vraiment si elle a respecté les consignes. Si elle a respecté les consignes que je lui ai données. Madame, parlez maintenant. Elle est là maintenant bouche bée. Et les parents ont demandé quoi? Qu'est-ce que le monsieur t'a dit? Oh non, il m'avait dit que je dois mettre seulement 2 dosages. Le matin, le soir, ceci, cela. Mais comme je voyais que c'est vraiment les résultats retardaient, voilà comment j'ai versé tout le parfum. Les parents ont dit, monsieur, merci. Voilà comment cette femme se retrouva dans les problèmes. La suite, c'est que ce boa-là, on ne l'a pas tué. Il a fini par rester avec cette femme-là dans la maison. Dieu seul sait comment ça a fini. Est-ce que le boa-là a fini par avaler cette femme-là? Avec le visage d'homme, je ne sais pas. Je ne connais pas la suite. Je m'arrête ici. Cette histoire, vous avez vu quelqu'un qui vient de témoigner que c'est une histoire vraie. Elle a même confirmé qu'effectivement, c'était le dosage de la femme, abus du dosage de la femme. Pourquoi j'ai pris ce propos? Pardonnez-moi, hein, nous avons une petite perturbation. Pardonnez-moi. Invitez le maximum de personnes, s'il vous plaît, pour vouloir maintenant rentrer dans la leçon du jour. OK? Bien, cette triste histoire va nous amener à la leçon du jour. La leçon du jour, c'est quoi? Le risque des abus de certains rites. Et je vous ai pris l'exemple du rite de la poupée de la Macumba. Mais j'ai mis pluriel, hein, j'ai mis les poupées de la Macumba, parce qu'il y en a plusieurs avec différents rôles. Il y a des poupées de la Macumba que vous pouvez utiliser pour la prospérité. Il y en a certains pour l'amour retrouvé. Il y en a d'autres pour envoûter le corps de l'homme, pour envoûter le corps de la femme. On appelle ça les filtres d'amour. Il y a des poupées qui sont là pour la protection de toute la famille. Et il y a des poupées, en l'occurrence celle dont je vous ai enseigné il y a près de 2 mois, la poupée pour cerner l'ennemi et lui faire du mal, c'est-à-dire tuer l'ennemi. Parce que c'était la question qui avait été posée, que non, il y a des gens qui aiment trop faire du mal aux autres, alors comment pouvons-nous en retour rendre le mal pour le mal? Oui, en tant qu'initié, nous ne sommes pas des faiblards, nous ne sommes pas là, il faut être bon, même Dieu, je vous ai dit la dernière fois que même Dieu, il fait le mal, il permet le mal. Dieu nous a donné le libre arbitre, celui que vous appelez Dieu là, il nous a donné le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Par conséquent, nous sommes maîtres de notre destin. On est libre de faire le bien ou le mal. Alors, sur la poupée que je vous ai donnée la dernière fois, comment cerner l'ennemi pour faire du mal à l'ennemi? Il y avait bien des spécificités. C'était bien spécifique. Que quand vous allez faire le rite, vous allez dire ceci, cela. Si, par exemple, il s'agit de votre ennemi, le rite était bien spécifique, hein, que c'est pour tuer, détruire l'ennemi. Alors, il y a certaines mamans qui m'ont demandé que, oh, même si c'est pour donc tuer l'appareil génital de l'homme, c'est possible. J'ai dit oui, mais votre ennemi. Je n'avais pas dit que tuer votre mari. Votre mari n'est pas votre ennemi. Je n'avais pas dit que votre femme. Je n'avais pas dit que votre copain ou votre copine qu'il fallait le tuer. J'ai dit bien votre ennemi. Maintenant, si vous considérez que votre mari devient votre ennemi, alors allez-y faire le rite de la poupée pour détruire son appareil génital. Et en plus, cette poupée qui s'agit de cerner l'ennemi, de renvoyer choc en retour, faire du mal à son ennemi, ne se limite pas seulement à cette mission, si je me rappelle bien de l'enseignement que j'avais dans la dernière fois, peut également, dans certaines circonstances, vous servir à certaines missions extra. C'est-à-dire des missions qui ne sont pas seulement de la lignée de tuer quelqu'un. Vous pouvez, par exemple, le paralyser. Mm-hmm. Et dans cette paralysie, ça peut être le pied. Ça peut être le deuxième pied. Ça peut être le troisième pied. Et c'est peut-être là où certaines mamans ont mal compris que, oh, mais c'est fini là. Je vais utiliser ça maintenant pour faire du mal au troisième pied de mon homme. Votre homme n'est pas votre ennemi, maman, s'il vous plaît. Pardon. Et en plus, si vous aimez votre mari, pourquoi vous allez vous aventurer dans des histoires comme ça? La spécificité de cette poupée, comme je le disais, c'est de cerner l'ennemi et rendre le mal à l'ennemi. Maintenant, si vous l'utilisez pour rendre un homme impuissant, ce n'est pas faux, c'est faisable, ça c'est fait. Vous appliquez le même rite, vous parlez, vous émettez vos émotions et vous dites, je veux détruire le pénis de cet homme. Mais attention, quand vous dites, je veux détruire le pénis de cet homme, vous dites bien, le rite est intentionné, c'est à l'attention de votre ennemi. Revoyez bien le titre. Hein. J'ai bien dit, comment encercler, tuer, faire du mal à votre ennemi. Donc, vous pouvez le faire sous plusieurs formes. Vous pouvez le rendre aveugle en faisant quoi? Ben, vous pouvez prendre des aiguillons, ou même prendre le bic et enfoncer dans l'œil de la poupée après que vous eussiez fait le rite tel que je vous le recommande. Et cette personne deviendra aveugle subitement pour le reste de sa vie. Si vous voulez paralyser son pénis, eh bien oui, c'est faisable. Vous allez prendre le couteau ou l'aiguille et vous allez enfoncer dans le pénis de l'homme et vous parlez et vous émettez les émotions, les énergies avec force et vous dites de détruire, détruire définitivement. Surtout pour un homme, par exemple, on a vu, il y a certaines femmes brésiliennes qui le font pour les hommes qui les ont violées durant leur jeunesse. Je suis dans un hôpital psychiatrique, je vous dis que j'ai même des gens qui sont originaires de Guatemala qui m'ont parlé. J'ai discuté avec une dame là, j'ai dit, mais pourquoi tu es ici? Elle dit, non, la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que j'ai mutilé le pénis de mon ami. Oh, tu as mutilé ça comment? Oui, je l'ai mutilé par la poupée. Mais comment ça? Et puis on t'a attrapé, dit oui, parce que le monsieur est allé se plaindre que ma femme m'a ensorcelé. Et du fait que je disais n'importe quoi, je débitais n'importe quoi, les gens ont dit que j'étais mentalement disturbed, donc mentalement malade. Donc, retenez que ce rite se fait uniquement contre votre ennemi. Votre mari n'est pas votre ennemi, s'il vous plaît. Votre mari n'est pas votre ennemi. Alors, cela ne doit pas être l'occasion pour certains de nos mamans. Je travaille pendant 16 heures de temps, je suis fatigué et j'entends certains des papas qui me disent que ça ne va pas. Oh, ça ne va pas. J'ai dit ça ne va pas, c'est comment? Ah, non, non, non. Parce que je découvre que, finalement, ma chose ne se met plus debout. Maintenant, vous, maman, quand le mari dit la chose ne se met plus debout, ça ne veut pas dire forcément qu'il est chez une copine. Il faut, faut comprendre cela. Moi, personnellement, je n'ai rien à vous cacher. Nous sommes tous des adultes ici. Généralement, entre minuit jusqu'à 2 heures, je me mets debout. Vous comprenez de quoi je parle? À partir de 5 heures jusqu'à 7 heures du matin, je me mets debout. Est-ce que j'ai une femme à côté? Non! C'est une réaction normale. Donc, ça, c'est un signe de vitalité qui montre que l'homme est bandant, qui montre que l'homme est fort et il est vivant. Mais maintenant, si l'homme constate que ce genre de phénomène ne se répète plus, mais il a raison de s'inquiéter. Et de surcroît, vous, maman aussi, et bon, je sais que nos mamans sont très, très honnêtes, vous allez encore dire à l'homme que non, moi, en tout cas, j'ai ma poupée là. Même si vous ne l'avez pas fait pour le cas d'espèce, je sais que certaines qui ont ces poupées n'ont pas eu l'intention. Mais elles ont créé la confusion et la peur dans l'esprit de leur mari. Maintenant, vous, l'homme, dès que l'homme a écouté ça, ça l'a terrorisé psychologiquement. On appelle ça du terrorisme psychologique, des traumatismes psychologiques. Et savez-vous que, je l'ai toujours dit et j'ai enseigné ça il y a de cela 3 ans, il y a des vidéos disponibles. J'avais toujours dit que aucun homme n'est impuissant. L'impuissance de l'homme provient de plusieurs facteurs. Je ne peux pas dire qu'il y en a 5, il y en a plusieurs. Vous, la femme, vous pouvez être à l'origine de l'impuissance de l'homme. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Votre manière de parler, votre manière de vous comporter, les mots qui sortent de votre bouche. Tout comme vous pouvez rendre votre homme vraiment en érect si vous lui parlez avec des mots, beaux mots positifs. Je t'aime, chérie. Je serais très content de voir cette queue de cheval en érect et tout ça. Donc, quand l'homme entend ce genre de mots, même s'il était fatigué, vous allez voir, il y aura une réaction. Donc, vous, les femmes, il faut comprendre que tout comme vous, vous êtes émotionnel, mais les hommes, ils sont plus faibles que vous. Les hommes, psychologiquement, reçoivent vite les ondes que vous dites, les ondes à travers vos paroles, les ondes vibratoires de vos mots, de vos pensées. L'homme peut le ressentir. Même quand il te touche pendant que tu es au lit, mes petits papas ne peuvent pas répondre. Pourquoi? Parce que vous, dans votre tête, au fond, vous ne voulez pas vous bouder. Vous êtes là jalouse, vous êtes énervé. Et c'est comme ça. Mais par contre, quand vous le voulez, même si l'homme joue au dur, là, il tourne son dos, rien, petit papa réagit. Mais parce que maman est en train de penser à ça. Le fait que maman pense à ça très fortement, je vous dis, il y aura toujours une réaction, involontaire ou volontaire. Même pendant que tu es en train de dormir, tu rêves que tu es en train de faire, tu ouvres les yeux. Tu constates que maman, la tête est déjà là-bas, ou bien la main est là-bas. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont dans les couples, je vous en prie, cette affaire de la poupée de la macumba, là, ce n'est pas fait à des fins d'effrayer votre mari, ou bien d'aller maintenant enchanter, comment on appelle ça, faire des incantations sur la poupée et appliquer ce que j'ai dit. Mais je vous le dis honnêtement, je ne vous le cache pas, et je ne suis pas ici pour blaguer. Je viens pour donner des enseignements. Je suis suivi à travers le monde. Et ce que je dis, est suivi également par des initiés. Donc, je garde ma crédibilité, je mets ma crédibilité en ligne. Retenez ceci, que lorsque vous allez faire cette technique de rendre votre homme faible, rassurez-vous, il va être mort pour le reste de sa vie. Je le répète, lorsque vous allez prendre votre poupée, ma poupée, oh, nom est Wigambidou. Oh non, mais Wigambedou, c'est toi qui fais tout pour moi, ma poupée, oh, mon mari là. Hey, l'endroit, il va aller là. Moi, j'entends qu'il va chez Sylvie, ma nana. Il va chez Mekan Engon, félicité. Il va chez Sylvia. Il va chez Victorine. Je ne veux plus entendre parler de ça. Dès qu'il va aller là-bas, je te dis, rends-le faible, rends-le faible. Bon, maintenant, toi, quand tu dis que tu rends le faible, tu vas faire quoi? Tu vas prendre quoi? L'aiguille, non? Et l'aiguille que tu vas pincer dans le pénis de ta poupée, ou bien entre les mains, parce que ces poupées-là aussi n'ont pas de pénis, sauf si vous en fabriquez une comme ça. Mais oui, parce que vous allez enfoncer la poupée en signe symbolique sur le pubis ou entre les deux pieds de l'homme. Savez-vous ce que vous créez? L'aiguille que vous faites là. Mais vous créez la mort à distance. Ce n'est pas la faiblesse. Non, non, non, non. Ce n'est pas la faiblesse pour les faiblesses. Souvenez-vous que cet enseignement disait bien que c'est pour encercler l'ennemi. Un. Ensuite, tuer l'ennemi. Deux. Je dirais encercler l'ennemi. Un. Rendre l'ennemi malade pour le reste de sa vie. Deux. Et même le tuer. Trois. Rendre malade veut dire quoi? Vous pouvez le rendre aveugle pour le reste de sa vie. Vous pouvez casser le pied de la poupée et la personne reste infirme pour le reste de sa vie. Vous allez casser le troisième pied en mettant l'aiguille. Mais ça veut dire que vous le rendrez impuissant pour le reste de sa vie. Madame, toi tu as à peine 30 ans, toi tu as à peine 34 ans, ton mari a peut-être 40 ans ou même 50 ans. Maintenant tu tues ça, tu feras comme? Vous avez déjà mis la corde au cou, c'est-à-dire que vous êtes déjà légalement marié. Maintenant toi tu vas le faire, tu te dis que non, hey, yeah, c'est bon, il a ma boule. Le gars revient à la maison tout nerveux. Chérie, ça va? Non, ça ne va pas. Eh, c'est quoi? Et Marie va le féliciter, ne t'a rien donné. Mais comment tu sais que je te suis félicité? Oh Marie, moi je te connais, laisse. Vous voyez? Vous êtes toutes contentes. Mais imaginez-vous, vous allez toucher là, zéro. Vous allez tirer, zéro. Vous allez sucer, frapper. Je vais faire tout, s'asseoir dessus, zéro. Vous allez même danser, zéro. Montrer la belle poitrine, zéro. Et le gars va vous regarder comme ça. Mais chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous posez la question. C'est vous qui devez vous poser la question. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vous en prie, je ne vais pas rentrer dans des détails. Je suis fatigué, je travaille pendant 16 heures, je n'ai pas dormi. Hein? Heureusement, je me repose pour le reste de ma journée. Je vous porte ce conseil, mesdames. Ces poupées-là ne sont pas faites pour affaiblir. Si vous voulez, ce n'est pas le mot faiblesse n'existe pas. Soit vous paralysez, vous créez la paralysie. Et dessus, pour la partie privée d'un homme, cette paralysie, c'est l'impuissance pour le reste de sa vie. Vous voulez que votre mari aille soulever le fusil pour se suicider ou bien vous tuer? Arrêtez-moi ça. Donc, utilisez ces poupées à d'autres fins. Pas pour pouvoir s'amuser avec la vie d'un homme comme ça. Et en plus, tu es avec le mari. Tu constates que le mari change. Le mari est gentil. Le mari s'occupe de toi. Toi, qu'est-ce que tu as soupçonné? Et ça revient sur ce que j'avais donné comme conseil la dernière fois, que beaucoup de foyers, si vous voulez que votre foyer prospère, évitez d'aller ramasser la saleté du passé. Évitez d'aller chercher le panier que vous avez déjà jeté à la poubelle. Évitez d'aller ramasser le sac que vous avez jeté à la poubelle. Si vous avez jeté ce sac avec toutes les saletés dans la poubelle là-bas, est-ce que c'est dans le but d'encore aller chercher ce que vous avez mis là-bas? Ou bien c'est pour que ce soit jeté à la poubelle publique ou je ne sais pas moi, comment vous appelez ça, Libreville? La décharge publique, ou bien même en France, c'est pour aller jeter à la décharge publique. Est-ce que vous irez encore? Oh non! Oh, oh, le morceau de manioc là que je jetais à la décharge publique, je vais retrouver ça. Oh, oh, c'est où? Oh non, la lettre! La lettre que mon ex, le père à mon enfant, il m'avait dit quelque chose. Mais tu as déjà jeté ça parce que tu ne veux plus de ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, mesdames et messieurs, je parle par expérience. Il y a des couples qui se détruisent pour deux choses. un, la jalousie incontrôlable. Mais cette jalousie incontrôlable, là, ce n'est pas bon. Il n'est pas interdit à une femme ou à un mari de jalouser sa femme. C'est tout à fait normal. OK? Mais la deuxième série de jalousies que je vous parle là, c'est la jalousie qui vous amène au souvenir. Ouais? Parce que le mari était désordonné, parce que le mari avait des copines, parce que le mari menait la vie de Bamboula. Mais écoutez, vous l'avez connu, quand vous l'avez connu, vous saviez que ce monsieur-là avait mis les une copine. Maintenant que vous êtes rentré dans sa vie, il s'est dit, bon, moi, je vais essayer de me ranger. S'il avait 100 copines, mais ne lui demandez pas de détruire toutes les 100 copines, sinon vous allez lui faire disjoncter. S'il avait 100 et qu'il descend à 50, mais c'est un progrès. Et au fur et à mesure, c'est les conseils que moi je donne aux gens qui sont addictés, par exemple, à la cigarette. Le type fume la cigarette depuis 30 ans. Vous pensez que moi, mon rayon viageur, je vais lui dire là, que non, à partir d'aujourd'hui, arrête de tout fumer. Mais je vais le traumatiser, il va avoir des problèmes. Parce qu'il y a eu déjà un esprit de dépendance, d'addiction assez fort dans ce mec-là. C'est comme le mec qui était habitué à aller forer dans n'importe quel puits à gauche, à droite. Hein? Il a eu près de 100 forages à faire dans sa vie. Mais toi, tu viens de rentrer dans sa vie. OK. Il faut lui accorder le temps. Le temps au temps. Il faut prier pour lui. Peut-être prendre ta poupée pour prier, pour transformer le cœur du mari, pour faire ceci, cela. Appelez-moi en privé. Demandez-moi conseil. Je peux vous dire comment vous pouvez vraiment gagner le cœur de votre mari ou gagner le cœur de votre femme. Mais au lieu d'aller faire des choses comme ça, hein, allez chercher le passé. Évitez de revenir au passé. Ça, c'est les femmes. Hein? Allô? Thérèse? Oui, mais Thérèse, oh, moi, pardon. Pardon. Moi, faut porter conseil à ton oncle. Ah, l'oncle a encore fait quoi? Regarde-moi ça. J'ai vu la dernière fois là, son téléphone. J'ai vu des appels manquants d'une certaine Thérèse Pemba. Thérèse Pemba, c'est qui? Mais calme-toi, s'il te plaît. Ça, c'était la mère de ça. La mère à son premier fils. Oui, mais moi, je pensais que c'était fini entre eux. Mais comment ils vont finir entre eux? Deux fois, elle appelle pour laisser un message. Le message dit quoi? Oh, le message, je n'ai même pas eu le temps de lire. Ouais. Parce que vous étiez tellement sous l'effet de la colère. Il faut d'abord lire bien le message. Et en plus, je vous informe, je ne sais pas au Gabon là-bas, mais ici aux États-Unis, il y a une loi qui dit que, normalement, monsieur, vous n'avez pas le droit de fouiller le téléphone de votre femme. Madame, vous n'avez pas le droit de fouiller le téléphone de votre mari. Moi, on m'avait éduqué depuis le jeune âge que le sac de la femme, là, quand elle sort avec, n'ose pas mettre la main dedans. Nous qui sommes, je m'adresse aux hommes, les hommes qui sont trop jaloux là, papa, pardon, écoutez-moi, ne mettez pas vos mains dans les sacs des mamans quand elles vont dehors. Parce que vous allez voir des choses désagréables, vous allez même toucher des choses. Nous qui sommes dans les bouettées et tout cela, dans nos initiations là. Maintenant, si tu tombes sur la garniture qui a le sang, tu fais comment? Moi, j'ai vu même certaines femmes, elle dit oui, mon mari, là, il est trop jaloux. En tout cas, je veux voir le coup que je vais lui faire. Elle prend la garniture du sang, elle garde ça dans son sac. Elle met beaucoup de garniture. Des fois, ce n'est pas le sang, mais juste. Elle met, comment on appelle quoi, le mercurochrome, hein? Mercurochrome rouge ou quoi, comment on appelle ça là. Elle met tout ça, ou bien le vin, elle met ça dans le sac. Parce que quoi, monsieur a l'habitude de trop fouiller. Évitez cela, mes frères. La femme du sac, il y a trop de désordre là-dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'elle vous triche. Non. Évitez cela. Apprenez à donner confiance à votre femme. Mais vous, mesdames, quelle est cette jalousie maladive qui va vous amener à vouloir maintenant tuer la chose du mari? Oh, parce que si vous tuez ça là, c'est fini. Et vous serez la première à dire, moi, je suis encore jeune, moi je ne veux pas rester avec un homme comme ça. Mais tu oublies que c'est toi-même avec tes histoires de poupées, tu es allé tuer le mec? Bon, maintenant, si tu n'as pas fait la poupée, je m'adresse aux mamans, vous n'avez pas fait la poupée. Mais je vous ai dit que l'homme, psychologiquement, il est plus faible que la femme. Même s'il est général, même s'il est grand ministre, même président de la République, je vous le dis, le point fort faible de l'homme, c'est ici. Dès que tu lui dis, je dis, tu vas où? Mais chérie, je vais quand même prendre de l'air chez mon frère Joseph. Joseph, en tout cas, va. On verra bien. Va seulement là-bas. Je ferai bien si ta chose là va se mettre debout. Le fait que vous dites ça, je vous dis que l'homme est comme un enfant. Il est déjà traumatisé. Pourquoi? Parce que dès qu'il va se retrouver chez la petite va lui dire, mais oh, toi aussi, Georges, c'est comment? Habituellement, tu es toujours un homme fort. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il ne répond plus. Mais parce que le type, dans sa tête, il pense toujours à ça qu'elle dit non. Parce qu'elle vient de dire là que non. Là où je vais aller devant, ça passe mettre debout. Donc, évitez de mettre des paroles choquantes à votre mari. Je vous en prie. Un foyer s'est construit dans une confiance mutuelle. Parce que j'insiste beaucoup sur ça, c'est parce que les plaintes que j'ai eues, ça vient de certains couples. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. J'ai eu le cas d'un couple, il vit en Angleterre avec sa femme, bon, de nationalités différentes. C'était le même cas. La femme menacée. Ouais. Et l'autre cas, c'est au Gabon, les histoires des poupées. S'il vous plaît, que cela s'arrête. Je ne suis pas venu ici pour donner un conseil matrimonial. Faites tout pour que les choses du pays là s'arrangent. Hein? Comme ça, je viendrai ouvrir mon cabinet matrimonial parce que je sais qu'il y a trop de problèmes là. Et ça, c'est ce qui disjoncte les foyers. Vous êtes un jeune couple, vous apprenez à vous connaître. Et le fait que vous êtes un jeune couple veut dire quoi? Ça fait seulement à peine moins de 5 ans que vous vous connaissiez. Vous avez des projets pour vous marier. OK? Vous avez des projets pour vous marier. Et pourquoi vous allez vous marier? Il y a deux choses là. Vous avez trouvé un mec qui est bien, il est stable, financièrement sûrement, il est stable, hein, ce n'est pas un malheureux, il a peut-être à peu près... Tout homme qui gagne au Gabon plus de 500, 600 000 francs CFA par mois, c'est quand même quelqu'un de stable. Et de deux, il a une maison. Et de trois, il a quand même fait l'école. Et de quatre, c'est peut-être quelqu'un de, qui est fonctionnaire, qui occupe une autre responsabilité. Et quand tu te compares à toi-même, tu dis, oh, moi je viens loin. Le gars là, il a les masters ou il a les licences. Moi là, rien, niveau zéro, niveau CMD. Ah, moi je dois rester tranquille. Au contraire, je dois seulement apprendre à gérer monsieur avec la sagesse. Je dois un peu m'éduquer auprès de mes maîtres Moiré. Maître Moiré, oh, ah, moi là, je vais te dire la vérité. Mon mari là, il a bac plus 10. Mais moi là, zéro, je n'ai qu'un niveau CPD. Bon, maintenant, je fais comment? Parce qu'il y a des moments, il y a des sujets de divergence là. Parce que des fois, je vois mon mari, là, on dirait qu'il pense à son ancienne collègue qui est devenue docteur. Hein? Oh, mon Dieu, j'ai peur de le perdre. Je dois faire comment? Mais je vais vous donner les conseils. Vous comprenez? Ce n'est pas le nombre de diplômes qui peut faire de vous quelqu'un. Moi, je connais des femmes, hein, ici, plein là. Des docteurs, jusqu'à aujourd'hui, célibataires. Elles sont obligées d'aller avoir comme, aller prendre comme mari les poupées gonflables ou bien les machins, les godibichets, les sexes artificiels pour se pomper ça tous les jours. Pourquoi? Mais parce qu'elles sont orgueilleuses. Elles ne pensent pas, elles pensent que non, il faut forcément trouver un mari qui est docteur comme elle. Qui a dit ça? Elle peut trouver un éboueur. Madame Marguerite Thatcher, l'ancien premier ministre britannique, son mari, M. Thatcher, savez-vous que c'est un agriculteur? C'était un agriculteur. Mais la femme, elle était premier ministre de la nation la plus puissante du monde à l'époque. Cette femme-là, on l'appelle la dame de fer, Madame Thatcher, Margaret Thatcher. Mais qui pouvait parler à l'époque? Même les Américains tremblaient devant cette femme-là. Mais quand elle était au foyer, soumise, le mari était agriculteur. Dieu seul sait s'il avait même un bac, alors qu'elle-même, elle avait le bac plus 10. Voilà un exemple palpable. Et il y en a beaucoup comme ça. Donc, apprenez, mesdames, à honorer votre mari. Apprenez à le respecter. Arrêtez de le traumatiser. Arrêtez d'aller fouiller à la poubelle que vous avez déjà mis à la décharge publique. Poubelle qu'on a jetée à la décharge publique, c'est quoi? Cherchez à fouiller ses problèmes du passé. Cherchez à fouiller quand il était sous là. Cherchez à fouiller quand il avait des bordels. Cherchez à fouiller quand il avait mis les une copine. Mais vous-même, vous constatez que le mari commence à changer. Au contraire, félicitez-le. Apprenez à féliciter votre mari. Que, oh chérie, oh vraiment. Quel changement! Mais je suis fier de toi, chérie. Mon mari, que je pleurais, quand il sortait là, hey, il revenait que le lendemain, oh, j'étais dans des missions, oh, j'étais à la présidence, oh, on était en réunion privée, oh, on était avec le chef, oh, on était à la réunion des généraux, pardon, ou de quoi, oh, des officiers supérieurs, oh, ou bien des ministres. Oh. Mon mari, maintenant, là, il n'y a plus ces réunions-là. Ah, là, je comprends vraiment, chérie. Félicitations. Merci beaucoup. Merci de construire cette fidélité autour de moi. Mais je te promets, chérie, je ne suis pas une femme parfaite. Je n'ai peut-être pas pris comme toi, pardonne-moi. Ce n'est pas que je ressens la complexité, je ne suis pas trop complexé. Parce que, bien, Maître Moiré a dit que ce n'est pas le nombre de diplômes bardés qui font de la femme une femme de valeur. Ce qui fait une femme de valeur, c'est le diplôme du cœur. Un bon cœur, de la bonne sagesse, de la culture. Et voilà, je promets que je vais bien me cultiver. Je prendrai soin de toi. Je ferai tout, oh chérie, pour que tu restes cet homme fidèle autour de moi. Je promets, je n'ai pas besoin de te féticher. Mon véritable fétiche, ce sera mon cœur, mes mains, mon visage, mon corps. Et je serai toujours là pour toi. Quand il vient du boulot, enlever la veste ou enlever la cravate, enlever les chaussures, se précipiter, bisous au cou, bisous à la machin. J'étais en train de dire à quelqu'un que maman, je suis même dépassé, quoi, parce qu'il y a certaines mamans, mais mon Dieu, elle dit au mari tous les jours, hein, je t'aime, le type s'est dit, mais ah, c'est la chose, là, je n'ai jamais eu ça de ma vie. C'est tout ça qui rend l'homme fou, hein? Malgré les crises. Ne créez pas des crises inutiles. La plus grande crise qu'il faut éviter, c'est quand il s'agit du bas de la culotte. Parce que quand tu vas commencer à menacer l'homme de son bas de la culotte, ce n'est pas bon. Et ça va pousser l'homme de dire, oh, maître Moiré, oh mon Dieu. Je dis, c'est comment? Mais non, mais ma femme m'a dit qu'elle est allée voir un ganga. Le ganga va me paralyser la chose. Ah non, non, non, maître, pardon, là, même si on dit que Dieu est grave, Dieu est machin. Non, moi, je vais aller tenter dehors. Et maintenant, moi, je vais dire quoi? En tant comme ça, je vais lui dire, non, mon frère, non, non, non, non. Pour me faire plaisir, il m'a dit, bon, d'accord, maître, tu as raison. Non, maman, il ne faut pas tromper le mari. Bon, là, le maître nous dit aussi, il est du côté de la femme. Non, pardon, moi, ma chose, là, c'est ce qui compte. Hé, hey, Anya Nimpio. Oui, papa. Oh, chérie, j'arrive. Yeah, Tu veux venir chez moi, quoi? Parce que tu as des problèmes avec ta femme. Non, c'est pas ça. Mais oui, oui, oui, depuis longtemps, tu ne venais pas chez moi. Tu viens chercher quoi chez moi? Tu veux venir te défouler? Oh, toi, si arrête de me traumatiser comme ça, là. Bon, d'accord. Fous-moi le camp. Je vais appeler qui, là? Ah là là. Ah, voilà, Andrea. Hey, Andrea. Andrea? Oui, chérie. Tu es occupée? Oh, j'ai dit à toi aussi. Depuis que tu t'es bien mariée, là, avec ta petite, ça fait combien? Toi aussi. Ça, quelle est la dernière fois là que tu m'as appelé, même? Ça remonte il y a près de 3 mois. J'ai dit, hein, une belle fille comme moi, une poitrine provocante, hein, mon fessier bien monté, tu crois que moi je serais en train de t'attendre? Mais franchement, oh Andrea, tu me dis encore quel discours? Mais le discours c'est quoi? Je me suis attrapé un petit mec. Ah, je me suis suicidé, bien je viens là-bas avec mon fusil. Ah, tu parles de... Attends, tu vas me voir là-bas. Mais non, chérie, tu vas me voir pour faire quoi? Garde ta belle femme, restez là-bas tranquille. Merde. Oh, maintenant, je vais aller vers qui? Bon, peut-être que le maître Nubi a raison. Voyez, mesdames, tout ça à cause de vous. Le monsieur est obligé d'avoir des idées, d'aller essayer son appareil quelque part. Messieurs, n'essayez pas l'appareil. N'essayez pas. Quand tu dors, bon, si tu es trop fâché, va dans la chambre des enfants. Et madame, vous si vous êtes mariée, quand moi je porte ce conseil-là et que le mari va dans la chambre des enfants, ne va pas le tirer là-bas et le terroriser. Ça ne sert à rien d'aller même mettre les robes sexy, montrer les seins, tout ça. Oublie ça. Parce qu'il est dans ses colères, il faut le laisser tranquille. Papa, ça va aller. OK? Ce n'est pas bon d'aller essayer dehors. Ce n'est pas bon. Ça, c'est le conseil en tant que grand frère, en tant que père que je peux vous porter conseil. Pour conclure ceci, les rites qu'on vous donne ne peuvent servir qu'à des vœux bien spécifiques. Lesquels vœux n'ont pas pour but de faire du mal à votre propre membre de la famille, ni faire du mal à votre épouse, faire du mal à vos enfants, faire du mal à votre mari. Non. Car il est vrai qu'il y a certaines circonstances. Quelqu'un qui est un grand maître, que les chrétiens appellent Jésus, que nous appelons aux Russes, il avait dit ceci, qu'on ne peut jamais être bien accepté chez soi, ni être un prophète dans sa propre maison. Parce que vos propres ennemis, ce sont ceux de votre propre maison. Madame, voulez-vous devenir l'ennemi de votre mari? Est-ce que c'est bon ça? Tu vas faire la poupée pour aller détruire la chose de papa. Mais c'est toi-même qui vas te priver pour le reste de ta vie. Après cela, la première dit, oh, je ferai comment maintenant? Mais toi-même, tu as créé la palabre. D'accord? Donc, oublions cela. Ça, c'est un. Et de deux, il faut comprendre que tous les rites que moi je communique ici, ce sont des rites pour vous aider à avoir une vie meilleure. Ce sont des rites pour vous permettre de vous en débarrasser de vos ennemis. Et il faut bien savoir qui est véritablement votre ennemi. C'est quiconque entre dans votre cercle familial, quiconque entre dans votre vie pour vous, comment dirais-je, pour vous nuire à votre vie. Et même vos chiens, vos chats, tout ce qui est dans votre propriété, c'est ça. Donc, je vous en prie, réfléchissez bien à l'exemple de cette jeune Camerounaise. Et pourtant, elle voulait que le mari lui soit fidèle pour le reste de sa vie, n'est-ce pas? Mais vous connaissez la suite. Comment elle a fini? À garder un serpent. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Voulez-vous garder un serpent? Voulez-vous garder un homme désormais qui devient qu'un échantillon? Parce que dans la vie d'un homme, Moi, j'ai appris qu'il y en a quatre choses qui attirent une femme chez un homme, n'est-ce pas? Nous, maman, elle devait le savoir. Est-ce que j'ai une bonne mémoire? On m'avait appris ça, j'étais en classe de 5e au lycée technique au Marbon. Le chèque, le choc, le chic. Le quatrième, là, c'est quoi encore? Je crois qu'il y en a quatre. Je répète. Le choc, enfin, le chèque, donc l'argent. Le choc au lit, donc la vie de l'homme. Le chic, l'élégance. OK? Prendre soin de la femme et tout et tout. Et je ne sais plus le quatrième là. Aidez-moi. Donc, voilà ce que moi m'a appris. Maintenant, l'homme vous a donné tout ça là. Il fait l'effort. Ah, ce sont les 3 C. Merci beaucoup. Donc, ça s'appelle les 3 C. Oh, merci. Voilà les 3 C. Chèque, choc, chic. Si vous avez ces 3 C là, dites-vous vraiment merci. Soyez heureuse. Vous devez être la femme la plus heureuse. Hein? Vous devez être la femme la plus heureuse. Maintenant, là, s'il vous donne seulement le chèque, il n'y a pas le choc. Alors là, il y a un problème. C'est un problème, là. Bien, il vous donne seulement le choc, mais il n'y a pas le chèque. Bon, maman peut supporter. Parce qu'il paraît que quand on a fait on a fait un sondage auprès de nos mamans, on a demandé que, mais entre les 3 chèques, là, vous préférez lequel? Le chic, ça, mais je m'en fous. Mais il me faut le chèque et le choc. Le chèque et le choc, là, vraiment, ça, je préfère. Mais après, on demande maintenant, mais entre s'il n'y avait que les deux, entre le chèque et le choc, vous allez prendre lequel? Les femmes vraiment sérieuses, hein, sérieuses, sérieuses, on dit non, moi, je préfère rester avec le choc. Même si mon gars est pauvre, en tout cas, on va s'en sortir. Mais d'autres qui disent qui, moi, nous vivons dans un monde matériel. Moi, je m'en fous. Hein, les chocs vont m'amener où? Je veux mon chèque. S'il n'y a pas le chèque, je suis barré. Mais en temps, c'est la même. Dès qu'elle va trouver quelqu'un qui va lui donner des chèques là-bas, elle va toujours revenir vers le gars qui lui donne les bons chocs. Bref, mesdames et messieurs, contentez-vous. Soyez heureuses. Estimez-vous heureuses. Arrêtez de traumatiser vos maris avec vos histoires-là de poupées. Arrêtez de les tuer, les détruire psychologiquement avec des messages de puiser dans la décharge. Vous avez compris ce que je veux dire, non? Arrêtez d'aller fouiller de la poubelle que vous avez déjà enlevée de votre cuisine. Vous êtes allé jeter ça à la décharge publique. Vous voulez encore aller reprendre ça. Pourquoi, mesdames? Mais bien sûr que ceci s'applique aussi aux hommes. Oh, tu as déjà appelé la femme telle qu'elle est. Elle t'a raconté sa vie du passé. Maintenant, ça, elle a fait cette confession, c'est pour te dire que ça, c'était mon passé. Maintenant, vous êtes devenu un. Et que votre unité, là, commence à partir de maintenant. Plus jamais ne parler du passé. Faut plus rappeler le passé de la femme. Faut plus rappeler le passé de l'homme. Surtout pour nous les hommes, je vous dis, hein, je vous parle par expérience. Ça a entraîné beaucoup d'hommes à divorcer, même s'ils ont fait 30 ans de vie ensemble. Mais dès que vous continuez, tu vas lui rappeler ça. Oh, toi là, quand on était là-bas à Gamba, ou bien quand on était là-bas à Franceville, toi, tu es ta chienne. Mais maman, on est maintenant en 2020. Qu'est-ce que tu as m'amené les affaires de 1990, toi aussi? Oh mon Dieu, ah. Je suis sorti à peine de l'université, hein, quand même. Si tu es jalouse là, c'est parce que je suis un beau gars, non? Je suis un beau mec. Mais donc laisse, quand j'étais jeune là, me laisse. Hein? Les femmes tombaient. Oui, mais même quand tu vivais avec moi, je te voyais toujours aller à gauche, à droite. Mais maman, laisse, je t'ai déjà mis la bague. On est maintenant ensemble dans la maison. Arrête de me parler de ce passé. Parce que les hommes n'aiment pas ça. Je vous dis la vérité, hein? Donc, maman, vous qui vous armez avec votre poupée là, à partir de ce soir, je ne veux plus entendre parler des papas qui vont se plaindre que non, la vie va prendre la poupée. Évitez-moi ça. Évitez de traumatiser le mari. Évitez, je vous en prie. Il y a des hommes, je vous le répète, oh mesdames, même si tu es moins jeune que le mari de 20 ans, de 50 ans, l'homme reste toujours un enfant. C'est-à-dire, le point faible d'un homme, c'est ici. C'est ce qui sort de ta bouche là. Ceux qui sont chrétiens peuvent lire le livre des Proverbes, là, je crois. Hein? La description de la bonne épouse. C'est celle qui ne parle pas trop. Celle qui ne traumatise pas le mari. Celle qui ne fait pas, qui ne va pas fouiller le passé du mari. Mais maintenant, nous, dans la sagesse africaine, dans la sagesse des Gallois, c'est là où je vous ai pris le vieux proverbe, là. Ça, c'est mon grand-père qui vient de me souffler ça. Et vous me direz, ouais, non, moi, nous, nous, mais. Ouais, il y a, ok, bon, il sait que ça fait le wego. Ouais, il est bon, il sait que ça fait le wego, il sait que c'est qu'un d'avoumbo. Il y a les wagnous. Kombo kayele wanyo. Vous voyez, ça, c'est du vieux gallois. C'est moi, je ne connais même pas de quoi je parle, mais je comprends de quoi il s'agit. C'est-à-dire, il ne faut plus prendre la saleté que tu as déjà jetée dans le village de l'oubli. Et la, le village de l'oubli, c'est la décharge publique. Parce qu'une fois ça se trouve dans la décharge publique, c'est que c'est dans les oublis. Tu vas aller chercher un gros quoi là-bas. Comprenez? Évitez cela. Si vous voulez aller dans le passé, je vous l'ai appelé la dernière fois, il faut aller dans le passé positif, c'est-à-dire le passé qui vous réconforte. Ah ouais, quand j'étais à l'école, j'étais très brillant. Je me rappelle que je faisais ceci. Je faisais les maths en médecine. C'est pas grave. Je n'ai que 53 ans. Je veux encore faire les mathématiques. Oh! Hey, Mr. Johnson. Yes. Man, I think I need to take some math classes right now. Huh? Sure. You can come. The university is open for you. Oui. Ça, c'était un passé positif. Parce que je me suis retrouvé reconnecté avec les maths. Et puis, j'ai décidé. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, ou soit en Afrique, mais chez nous ici, à n'importe quel âge. Je connais un papa là, 72 ans, il a eu son bac. Il avait niveau 6e. Ça lui a pris 2 ans et il a passé son bac. Et à l'âge de 83 ans, il a eu son master. Aujourd'hui, il est à l'ONU. Tranquille, à 83 ans. Il gagne un gros salaire de près de 12 millions de francs CFA par mois, sans impôts, sans... Vous savez comment vous êtes fonctionnaire. Bref, c'est pour vous dire le passé positif. Parce que ce vieux papa, depuis le jeune âge, il n'a pas eu la chance d'avoir le baccalauréat, mais il pensait à ça. Il dit, mon Dieu, des collègues, ils ont réussi, ils ont eu leur bac. Moi, je suis dans un pays d'opportunité où on peut me donner mon bac gratuit, pas cadeau. Hein. On ne donne pas le bac cadeau, c'est-à-dire, vous partez à l'école, vous ne payez pas. C'est gratuit, on vous donne les livres et tout. Et vous avez même des professeurs qui vous assistent sur ordinateur. Voilà comment beaucoup d'Africains ont eu la chance d'avoir leur bac ici, même à l'âge de 70 ans. Ouais, c'est comme ça. Et devenir des consultants là-bas en Afrique. Je connais un Ivoirien là. À ses 62 ans, il a été retraité sans bac. Quand il est parti en France, il a fait des cours au CNED, le Centre d'études nationales d'études à distance, reconnu d'utilité publique, tout cela, reconnu par l'État français. Il a eu son BTS, ensuite il a eu un autre diplôme là. Et aujourd'hui, il est coach international. Il fait du coaching dans le travail. Donc, c'est pour vous dire, le passé positif, c'est ça qu'il faut amener dans vos vies. Arrêtez cette affaire. Vous avez retenu que les rites ont des conséquences nuisibles lorsque vous commencez à utiliser les rites qui sont destinés pour un travail bien spécifique, vous les utilisez à des besoins nocifs. C'est pas bon. Ça ne marche pas comme ça. Et malheureusement, hein, ces esprits-là aussi, ils obéissent bêtement. Parce que dès que vous allez lui dire, il va obéir. Mais il est là pour vous. Comprenez? Donc, que cela s'arrête, que Tétan Mwanga vous bénisse. J'espère que je n'ai offensé personne. Hein? C'est juste des conseils gratuits. Allez-y réfléchir dans vos maisons sur cette thématique-là. Et que d'ici là, portez-vous bien. Et j'espère que là où il y avait le feu, que le feu s'éteigne. OK? Cet enseignement-là, c'était juste sapeur-pompier pour essayer de venir calmer un peu la situation. Donc, je n'aimerais pas qu'il y ait des incompréhensions. Je pardonne à nos mamans qui ont manifesté ce genre de comportement et que les papas qui me suivent aussi, acceptez. Hein, acceptez le pardon auprès de nos mamans, retrouvez votre vie normale, ok, dans la vie hein, d'un couple. Il y a des hauts et des bas, certes, mais même s'il y a des hauts et des bas, il y a un livre de sages qui dit que si vous êtes fâché, ne faites pas que cette colère-là vous amène jusqu'au coucher du soleil ou le lendemain sans pourtant vous réconcilier et de repartager le sourire ensemble. Le meilleur amour, c'est celui qui tourne autour de la joie. Il faut rigoler, il faut créer de l'humour, il faut créer des bonnes ambiances positives. Même si tu es fâché, même sous le fait de ta jalousie, fais-le en blaguant. Et c'est à travers ces blagues également que le gars va t'avouer certains trucs. Donc, s'il vous plaît, j'espère qu'on s'est compris, que Tétan Mwanga, Dibamba Mwanga vous bénisse. Et sur ce, nous allons clôturer. Il n'y a pas de questions, pardon, moi je suis fatigué. Je suis venu là, je n'ai même pas mangé à cause de vous. Oh, il y a une maman qui dit ici là que ce sont les mensonges qui nous amènent encore dans le passé. Maman, oh, pardon. Ne va pas fouiller ce qui est dans la poubelle. Oh, j'ai déjà porté le conseil. Toi aussi, tu viens encore nous dire là encore les mensonges qui nous amènent dans le passé. D'accord. Bon, j'ai compris. Oh. Mais, maman, voilà la vie. Avant de vous quitter, parce que ce que maman vient de dire là, ça me touche beaucoup. Je n'aimerais pas que là, avec papa, ça se passe encore dans les palabres. Donc, nos papas, là, vous aussi, soyez honnêtes avec nous. Voilà une maman qui vient nous dire non, si on va fouiller dans le passé là, c'est à cause du mensonge de l'homme. Cher homme, quand vous rentrez dans une nouvelle relation, dites la vérité à la maman. Que vous ayez fait du bien, que vous ayez fait du mal, que vous ayez même tué, oh, il faut tout dire. Et vous aussi, madame, c'est pareil. Ça va des deux côtés. OK? Donc, maintenant, le mari vous a dit ça. Ça ne sert à rien de revenir chaque fois sur la même chose. Mais je sais de quoi elle parle. Elle parle de quoi? Je ne sais pas si je me trompe. Voilà ce qu'elle parle. C'est que vous dites, vous lui avez dit que non, j'avais une certaine... une nana, une amie là, hein, mais bon, elle était la secrétaire d'État rattachée au ministère de la Défense. C'était une amie, mais vraiment, on était bien, bien, bien. On est sortis seulement une fois en passant. Et puis, finalement, vous avez dit ça à maman. Mais nos mamans, elles sont très sensibles. Elles ont la mémoire comme l'ordinateur. Oh. Même si à un niveau CP0, rien, rassurez-vous, elle a déjà retenu. Vous êtes là, non? Et puis, quelques temps après, elle apprend des rumeurs que non, mais ton gars-là, il est toujours avec la secrétaire d'État. Secrétaire d'État? Mais il m'avait dit que c'était fini. Et voilà, ça renforce la curiosité de la dame. Ça, ça peut faire l'objet d'un autre enseignement. Je ne suis pas venu ici faire le contre-conseil matrimonial. Donc, ça, c'est ça dont la maman parle ici. C'est-à-dire qu'elle découvre que finalement, il y a encore le lien avec ce passé. C'est le lien encore avec la dame, la secrétaire d'État, là, qui était rattachée au ministère de la Défense, je ne sais pas, au ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est de ça. Donc, soyons honnêtes les uns avec les autres. Moi, pardon, ne me gardez pas trop longtemps ici, là, vous aussi. Vous allez encore poser mille et une questions. Je vous ai déjà porté le conseil. Il s'agit de la poupée. Oh. Est-ce que c'est ça, là, qui va maintenant vous justifier pour amener les poupées, là, aussi, pour commencer à embêter papa? J'espère qu'on s'est compris. Soyons honnêtes de part et d'autre. D'accord? Je vais essayer de mener un peu des sondages. Vous venez m'amener le rite du vin ici, là. Mais vous connaissez le rite du vin, vous me posez encore les questions. Le rite du vin, allez-y suivre la vidéo. Voilà, quelqu'un dit qu'il y a certaines femmes qui bavardent beaucoup. Mais toi aussi, mon frère, je vais répondre à la personne. Vous êtes obligé maintenant de me retenir. Le frère se plaint ici, là, que non, il y a certaines femmes aussi qui bavardent beaucoup. Pas certaines, hein. Je vous dirais que la majorité des femmes aiment beaucoup parler. Bon. Je ne dirais pas beaucoup. Je dirais la femme aime parler. C'est normal, elle est une mère. Vous voulez que je vous amène jusqu'où? Même si je vous amène jusqu'à Ève. Entre Ève et Adam, si vous suivez l'histoire des religieux, qui a parlé beaucoup? Parce que quand Adam est venu poser la question à Ève, toi tu as fait quoi là? Elle a commencé à donner un discours. Oh non, j'étais là pour moi tranquille. Oh. Moi, je ne pensais qu'à prier pour moi. Oh. Après là, j'ai vu maintenant un serpent là qui est venu. Oh. Et le serpent est venu me dire que non, si tu fais ceci, cela. Oh. Blablabla. Adam t'a posé une seule question. Est-ce que tu as mangé du fruit là que Dieu nous a demandé de faire? Tu dis oui, c'est tout, ou bien non. Mais elle voulait trop parler. Donc ça a commencé depuis là. Et si vous suivez l'histoire d'Osis et d'Isiris, c'est la même chose. Donc, les mamans parlent, certes. Mais une femme qui parle trop, ça devient maladie. OK? C'est à vous de porter conseil à votre femme. Et vous aussi, avant de plonger dans une relation, il faut d'abord étudier le caractère de cette femme-là. Il faut aussi mener des enquêtes autour de vous, autour d'elle. Envoyez vos espions. La fille-là, comment elle a fait? Pourquoi ne se retrouve plus avec les hommes? Pourquoi se retrouve avec 50 enfants sans un mari? C'est comment? Et on va vous dire qu'elle était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va vous dire, oh non, c'est là mon frère. Oh, laisse, pardon. Oh, l'homme qui va voir la femme là. Elle a ses défauts, certes, mais celle-là, non. Donc, il vous faut mener ces enquêtes. Ne soyez pas surpris dans le fait accompli que maintenant, oh, merde. Ah, Arondo. Hein? Toi là, quand j'étais connu, tu étais une fille bien calme et tout ça. Bon, tu m'as amené tous les palabres ou à tenir Seringi là. Tu m'amènes tous les problèmes de la vie. Je ne peux même plus bien bander à cause de toi parce que tu parles trop. Ah, j'aime bien. Je suis obligé de mentir que je suis au travail et aller dormir chez des amis. Non. Avant d'en arriver là, c'est pendant que vous êtes encore là, avant de mettre la bague sur cette main gauche-là, et c'est là qu'il faut bien réfléchir. D'accord? Donc, je réponds au frère qui dit que non, les mamans parlent trop. Bon, pour l'affaire du rite du vin, je vous ai dit, il faut le suivre le... comment dirais-je? Il fallait suivre la vidéo. Bon, il y a aussi une maman qui dit ici là que il y a aussi beaucoup d'hommes qui parlent trop. Waouh! Mais c'est intéressant ça, hein, maman Mange. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est vice-versa. Hein? Souvenez-vous que ceux qui me connaissent dans la vie privée, C'est ce que j'applique dans mes enseignements. Il faut parler quand c'est nécessaire. À un moment donné, on m'a traité d'antisocial pendant plusieurs années parce que je ne voulais pas trop parler. Même ma mère me disait, ah, moi, je ne sais pas où ce sont les magies de mon fils ou quoi, quoi, quoi. Non, il y a des magiciens qui parlent. Mais je suis d'accord avec ce que dit Maman Mendieu, qu'il y a aussi les hommes qui parlent trop. Alors, quand on ajoute le mot trop là, ce n'est pas bon. Si on dit que l'homme parle ou la femme parle, c'est normal. Mais quand on dit trop, ça veut dire que de lundi à dimanche, tu es en train de parler. Parfois pour des raisons non-sens, toujours en train de parler. Toujours, tu divagues ici, tu amènes ceci. Le lendemain, oh non, c'est ceci, cela. Ça n'amène nulle part. Je suis d'accord. Mais je ne veux pas vous imposer mon mode de vie. 3 jours dans la semaine, sans parler. Ou bien, prenez 1 jour dans la semaine, vous ne parlez pas. Ou 3e exercice, apprenez à parler quand c'est seulement nécessaire. Maintenant, beaucoup d'amis et connaissances m'ont pris des méchants parce que même ceux qui m'appellent là pour le cas du Baobab, bon, merci de m'avoir appelé, mais s'il vous plaît, je vous accorde seulement 10 minutes. Oh, mais 10 minutes, et je suis en train de regarder la montre. Bon, mais excusez-moi, hein, le temps malheureusement a sonné. Même mes propres parents ont peur de m'appeler maintenant. Mais pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que par expérience de ma propre vie, il y aura, on parle de la banane, mais malheureusement, tu vas partir la banane pour aller me parler maintenant des tarots, aller me parler, je ne sais pas, des poulets. Allez, tu vas mélanger beaucoup de pédales, alors qu'on a parlé d'un sujet bien spécifique. Aujourd'hui, on parle maintenant d'affaires des femmes et hommes, là, c'est à cause de quoi? Mais c'est à cause du rite, là, de la poupée. C'est là où on en est arrivé, là. Je vous ai dit que le rite, la poupée, là, ce n'est pas fait pour aller rendre, affaiblir le pénis de l'homme. Non, non, non, non. Sinon, vous allez le rendre impuissant pour le reste de sa vie. Il peut aller voir n'importe quel docteur. Jamais. Vous l'avez déjà détruit dans le plan mystique. C'est ces entités-là qui sont là désignées pour ça. Mais voyez, maintenant, les gens s'ouvrent. Oh non, parce que moi, mon mari, vous avez dit non, il ne faut pas aller chercher les choses dans le passé. Ou bien parce que la femme parle trop. Mais si la femme parle trop, mais parfois, c'est à cause de toi aussi, l'homme qui parle trop. Donc, voyez-vous, ce débat risque d'être long, là. Mais si vous parlez moins, la femme va s'adapter à votre rythme. J'ai vécu avec une personne. Eh bien, quand je vivais avec cette personne pendant un certain temps, elle parle beaucoup, ça je vous dis. Mais par contraste, quand j'avais constaté ce comportement, je ne parlais que quand. C'est à cause d'elle que j'avais développé cette qualité de parler que quand c'est nécessaire. Certes, mes enseignements spirituels avaient un rapport. Donc, quand j'arrive, on va bonjour, bonjour, ou bien bon, bisous, bisous, ça va. Je vais dans mon coin. Alors, la journée, ça a été, oui, ça va, ça a été. Ah, mais j'ai appris que là-bas, ceci, cela. J'ai dit, oh, ok, bon, mais écoute, c'est la chose, ce sont les choses de la vie. Et je m'étais. Parce que si je rentre dans cette conversation, c'est fini. Vous allez devenir un bavard et vous allez trop parler. Et ça entraîne même des conflits. Ça, j'ai constaté dans les cours. Vous commencez à parler de quelque chose bien, vous commencez à, ça commence par la bonne ambiance, vous riez, tout, tout, tout. Et à la fin, ça calmoigne, ça devient maintenant un grand débat de dispute, ça amène la tension, et vous voilà maintenant, vous séparez encore le deux. C'est fini, d'ailleurs, moi je ne peux que parler. D'abord, c'est fini, ça se raccroche. Oh, c'est comment? Alors que vous avez commencé dans la joie. Et vous comprenez donc l'importance de ce que j'ai toujours dit, parler seulement quand c'est nécessaire. Même dans votre vie de couple, vous posez trop de questions. Oui, il y a certaines femmes qui vont me dire, oui, c'est dans mon droit de poser des questions à mon mari, non? Ok, mais ne devenez pas trop pédante. C'est ce qu'on dit en français, devenir pédant ou pédante. C'est-à-dire que quand ça dépasse maintenant, quand ça dépasse maintenant les limites, là, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Le boulot, ça a été? Oui. OK. Eh bien, hier, on n'en a pas parlé, hein, avant d'aller au lit. Est-ce que tu as un plan pour ce soir? Oui, on en parlera plus tard, maintenant. Et toi, oui, ça va. Bon, on va parler de ceci, oui. Mais quand il s'agit de parler des projets, c'est différent. Vous pouvez discuter et puis écouter. Écouter plus. Je recommande aux hommes d'écouter plus parce que la femme parle plus. Je n'ai pas dit la femme parle trop. J'enlève le mot trop là. Parce que le trop vient des chocs psychologiques. Une femme qui a vécu 2 divorces ou bien qui a été traumatisée durant sa vie avec un homme, même si cette femme-là était calme, hein, je vous jure que non. Même si elle est bardée de 2 doctorats ou 50 doctorats, elle va devenir trop bavarde. Enfin, elle va commencer à trop parler. Vous allez lui donner cette opportunité de beaucoup parler, surtout si elle rentre dans une nouvelle relation. Parce qu'elle va se dire que cet homme qui est dans sa vie, ce nouvel homme qui rentre dans sa vie, risque, par ce qu'on appelle stéréotype en anglais, elle risque de généraliser, elle risque de penser que celui-ci est pareil comme les autres. Voyez-vous? Donc, c'est pour cela, ça prendra du temps. N'en voulez pas à cette femme-là si elle parle maintenant trop. La même chose pour l'homme. L'homme a été traumatisé dans une relation pendant 24 ans ou 25 ans. Maintenant, là, vous rentrez dans sa vie. Il faut être patient avec lui. Parce qu'il aura cette réticence-là même de donner son cœur. Il aura beaucoup d'hésitation. Il va même se dire que, bon, moi, en tout cas, moi, je ne crois même plus au mariage. Hein. Non, moi, pardon, je préfère avoir peut-être copine comme ça, là, mais ça va. Voyez-vous, on a vu des cas comme ça. Donc, soyons patients de part et d'autre. L'affaire de parler, c'est normal de parler, mais évitez de parler trop. Parce que trop parler, c'est maladie. J'ai posté quelque chose sur Facebook que je ne veux pas répéter. Ça a dérangé beaucoup de gens. Je préférais enlever ça. Donc, je crois que nous avons fait le tour de tout sur ce sujet. Et j'espère que ça a été clair, que ce rite des poupées de la Macumba n'ont pas pour objectif de rendre le mari impuissant. OK? De rendre le mari impuissant. Non, mais ça a pour objectif de cerner et de tuer votre ennemi. Désolé pour ceux qui sont des gens trop branchés en Jésus, là. Non, même votre Jésus, là, n'a pas dit que non, il faut être ma boule. Parce que si l'ennemi vient te taper, toi, tu vas regarder là comme ça. Que tu as donné la joue gauche, on donne la joue droite. Non, Jésus ne voulait pas dire qu'il faut devenir lâche. OK? Donc, ce rite-là, justement, a été mis, je l'ai mis en place avec l'autorisation de mes maîtres pour que, parce qu'il y a certains d'entre vous qui se sont confiés à moi, qui se sont plaints que mes maîtres, vraiment, vous dites que non, vous ne voulez pas la violence. Certes, je suis un homme de la paix, mais est-ce que ça m'empêche d'avoir mes armes? J'ai mes armes là. Sur Facebook, les gens ont vu mon arme là. Ah, oh, toi, d'où viens-tu exposer tes armes? J'ai dit parce que c'est un pays d'expression. Je suis libre d'exposer même mes bazookas, les armes de guerre. J'en ai plein à ma maison. J'ai le droit. J'ai la licence. Voyez-vous? Mais pourtant, je suis un homme de la paix, n'est-ce pas? Mais j'ai ces armes parce que je crois au deuxième amendement des États-Unis. Et puis c'est comme ça. Il faut s'adapter aux lois du pays. Et j'ai été plus de deux fois. On a tenté de me tuer, on m'a tiré dessus. Les rapports de la police sont là. Alors je me suis dit, je ne vais pas laisser ma vie en danger comme ça. Donc, c'est pour vous dire, qui s'y frotte, s'y pique. Ça, j'ai appris ça dans l'armée gabonaise. J'ai des militaires qui me suivent là. Qui s'y frotte, s'y pique. Donc, l'affaire de la poupée de la Macumba a été mise en place justement pour appliquer la loi de qui s'y frotte, s'y pique. C'est-à-dire que votre ennemi veut vous faire du mal, vous l'attaquez. Vous lancez la technique, vous la balancez. Et ensuite, pour paralyser, si vous ne voulez pas le tuer, vous pouvez le paralyser pour le reste de sa vie, le voir souffrir parce que lui, il a voulu, ou elle voulait vous faire du mal, d'accord? Mais pas dans le but de paralyser l'appareil génital de votre mari, s'il vous plaît. Ce n'est pas ça le but du rite, d'accord? J'espère, je ne vais plus me répéter, cela a été clair, et j'espère qu'il n'y a plus de questions ici, là. L'affaire des maris, de hommes et femmes, là, je vous en prie, ça, c'est une affaire. Et moi, je n'ai pas créé cette chaîne-là pour affaires matrimoniales. Certes, j'ai mon petit certificat sur ça, mais vous pouvez peut-être choisir un autre jour pour parler des affaires-là, mais moi, non. Il y a une jeune dame là en Europe, on a commencé à créer une structure. Elle continue à le faire, mais j'ai vu que ça amenait les histoires de bas sexe, les histoires, vous savez, les Africains. Bref, je suis moi-même Africain, pardon, je ne vais pas trop dire des choses. On risque de dire que je parle trop. Que Teta Manga vous bénisse, et nous allons apprécier. C'est même OK. Merci. Merci. Merci. Je n'ai pas invité beaucoup de monde, mais merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Así que guague, guave, así se ve a ti. Mami, ni na se ve da guina, mami, ni na se ve da guina, mami, ni Bina se venda bina, que banda tamo singe. Ae, ae, oh, iyo yo we. Mami ya milo, beta gina we. Mami gina se venda bina, mami gina se venda bina, que banda tamo singe. Mama Pouchi. Bien, les gens ont demandé le titre. La chanson, c'est Yongo Migere. Yongo Migere. C'est chanté par Pouchi Makindo. Le titre, je répète, c'est Yongo Migere. C'est le titre de la chanson. Que Tétan Mwanga vous bénisse. Merci encore. Hein. Si telle est sa volonté, peut-être nous allons nous retrouver après mon petit repos là, pour un enseignement d'aujourd'hui. Peut-être demain, parce que je suis de repos pour les deux. Oh non, demain c'est jeudi. Oh là. C'est jeudi. Non, non, non, non. OK. Je ferai l'effort peut-être ce soir. Hein? Merci beaucoup encore. Soyez tous bénis. Merci, merci, merci, merci, merci, merci beaucoup.